Au centre de bricolage, un client retourne à la caisse en disant « Hier, j'ai acheté ce marteau chez vous et j'aimerais l'échanger. Il rate à chaque fois. »